Planet Rap. C'est l'émission rap de référence. 20h-21h. Ce soir, Planet Rap. Maître Gims. Et c'est reparti pour une nouvelle soirée. Soyez les bienvenus dans Planet Rap entre 20h et 21h. Ça y est, il est là, tout fraîchement arrivé de Lomé. Ouais. Ça va bien, Gims? Ça va. Eh bien, ça fait plaisir de t'avoir en... Tu m'as laissé en galère hier. Désolé. Tu m'as laissé en galère hier. J'ai essayé de faire ce que je pouvais. Bon, ça va bien? Ouais, ça va très bien. Content d'être de retour. T'étais pour un concert là-bas, Lomé. Un concert de fou. C'est vrai, c'était fou ou pas? D'ailleurs, dédicace aux Togolais, aux Togolaises. C'est la première fois que tu allais au Togo? Non, j'étais déjà allé avec la section d'assaut. D'accord. Il y a plusieurs années. Et en leur ambiance. Alors, ça ressemble à quoi justement un concert? Est-ce que c'est vraiment différent d'une ambiance qu'il peut y avoir ici en France? Non, on retrouve les mêmes ambiances. Sauf que les gens là-bas, tu vois, t'es tellement loin d'eux. Qu'ils ont presque. Ils désespèrent limite de te voir, ils s'imaginent que tu vas pas venir et tout, donc ils sont super contents, ils sont comme des oufs quoi. Il y avait 20 000 personnes, je crois, c'était énorme. Donc c'était. Un truc de fou. Est-ce que c'est aussi une partie du concert que tu vas donner à partir du 12 novembre que t'as commencé à tester? Oui, une partie, bien sûr. Une partie du concert, bien sûr, parce qu'il y a des nouveaux titres que je joue. Et tu vois la réaction des gens et des sons en tournée quoi. En même temps, c'est ce que je me disais. C'est vrai que la tournée de Gims débute là à partir du 12 novembre. Faudra pas louper la première date. C'est au Zénith de Nantes. Au Zénith de Nantes, la première date. Il y a Orléans, il y a Paris. Paris. Paris le 14 décembre à Bercy. 14 décembre à Bercy à pas louper. Ouais. Et je me dis là, ça doit être le bordel en fait pour faire un tracklist de concert. Là, c'est un enfer maintenant. Ça commence à être un enfer. On est dessus là. C'est vrai que c'est pas tant un bordel que ça. Après, oui, il faut choisir, tu vois. Mais c'est bien parce qu'on a vraiment que des gros singles du coup. On a vraiment que des gros singles. On commence fort, on termine fort quoi. Ça t'avait manqué un peu la scène? Parce que c'est vrai que sur la tournée, il n'y a pas eu de tournée hein, sur Subliminal. Mais tu sortais de je ne sais combien de dates avec la section. Exactement. Mais est-ce qu'il y avait une sorte de manque quand même? Oui, beaucoup. Ça te manque très vite en fait. Ça te manque très vite. Très très vite. Plus vite que ce que j'imaginais. Donc là j'ai vraiment hâte. Eh ben c'est reparti en tout cas pour Gims. Et c'est reparti aussi ce soir dans Planet Rap. Le numéro de téléphone Gims, ce numéro, je te confie le portable. Il est là. Donc je n'ai numéro, pas pu te le donner hier. Le numéro c'est 06 71 74 84 15. Vous intervenez. 06 71 74 84 15. À n'importe quel moment vous intervenez. Il est là, je réponds. Gims peut décrocher. On va le faire après, tranquille. Après, tranquille. Ouais, on va mettre Brisé pour débuter. On démarre avec Brisé. Ouais. Version Skyrock de Brisé. Et puis après, on décrochera. Donc balancez, envoyez des messages. Appelez-nous dès maintenant. 06 71 74 84 15. Maître Gims avec nous. Skyrock. Encore une fois j'ai dû disparaître. Des fois je t'aime, des fois je te hais. Pour ne pas dire que j'ai tout donné, j'ai donné tout autant que toi. Tes larmes coulent sur mes épaules. J'ai tout compris sans dire un mot. Ne monte plus les gens contre moi. C'est difficile de voir dans le noir. Je te l'ai dit, tu as ce sourire au coin des lèvres. Quand tu mens, tu t'imaginais pouvoir t'en sortir encore et encore facilement. Encore et encore facilement. Encore et encore facilement. J'essaie d'y croire. Vois-tu comment le diable est habile? La vérité te déshabille. Rendez-vous dans une autre vie. Te souviens-tu d'être entré chez moi? T'as pu voir le cocon familial. T'avais pas le droit de me faire tant de mal. Je vais devoir éteindre les flammes par les flammes. Je te l'ai dit, tu as ce sourire au coin des lèvres. Quand tu mens, tu t'imaginais pouvoir t'en sortir encore et encore. Confiance. me voile sûrement la face. Je me voile sûrement la face. Tu m'as poignardé dans le noir. J'ai fait confiance, aveuglé de ma confiance. Et tu m'as fait du tort parce que le cerveau suit le cœur. Parce que le cerveau suit le cœur. Parce que le cerveau suit le cœur. J'essaie d'y croire. Je me vois sûrement la face. Je me vois sûrement la face. Tu m'as poignardé dans le noir. J'ai fait confiance. Aveuglé de ma confiance. Et tu m'as fait du tort. Parce que le cerveau suit le cœur. Parce que le cerveau suit le cœur. C'est Maître Gims, c'est Brisé à l'instant, en version Skyrock. C'est extrait du double album Mon Cœur avait raison, album qui est numéro 1 des ventes. Album, tiens, c'est vrai qu'on en a parlé hier vite fait par téléphone quand t'étais au Togo. Ouais. Surpris, pas surpris, heureux, pas heureux. Ah bah oui, heureux, bien c'est sûr. Très heureux. Très heureux. Entrée, plus de 85 000 ventes en une semaine, hein, ce qui est quand même assez 85 fou. 85 000 ventes en une semaine. Dingue. C'est un truc de dingue. Un truc de dingue. C'est... J'ai pas de mots. Franchement, je remercie tout le monde. Je vois que les gens sont là en vérité, ils sont là derrière, soutiennent, supportent. C'est incroyable. Et vous lancez aussi plein de messages avec le hashtag Maître Gims sur Skyrock. Dis-nous vos morceaux préférés, pilule bleue, pilule rouge. Quels sont plutôt vos morceaux préférés, soit sur la pilule bleue, soit sur la pilule rouge, sur les deux aussi. N'hésitez pas à balancer. Vous nous appelez au 06 71 74 94 15. Tu veux prendre un petit coup de fil, Gims, puisque tu veux prendre un appel là. Allez, on va prendre un appel tout de suite en c'est direct. Parti. C'est le portable de Skyrock, le portable pour joindre les artistes directement. Allô. Allô. Ah. Ça va? Ça va très bien, et vous? Très très bien, très très bien. Elle s'appelle comment cette jeune fille? Ah ben, j'ai tenté la tête et je suis prise. Eh ben oui, c'est juste pris. Merci, en tout cas je suis fan de vous. Ah ben, ça fait plaisir, merci. T'as pu écouter l'album? Beaucoup et... Ah oui, mais j'adore. Ah merci beaucoup. Alors c'est quoi les morceaux préférés de l'album? Elle s'appelle comment la jeune fille? Moi j'aime beaucoup Brisé. Ah Brisé. Merci. Et comment tu t'appelles? Je m'appelle Leïla. Leïla. Leïla de? Leïla de? De Shell, Leïla de Shell. Et bah tu parles à Maître Gims en direct, Leïla. Ah bah c'est super, je suis contente, je vous écoute beaucoup dans ma voiture. Bah merci beaucoup, ça fait plaisir. Ravi. Ah bah, ok. Et bah on te fait un bisou en tout cas, Leïla. Il y avait aussi une autre petite question. Je vous embrasse très fort. Bisous. Merci, au revoir. Maître Gims, continuez ce que vous faites, c'est super, j'adore. J'aime merci bien beaucoup. Ce vouvoiement, je vais peut-être vous voyer maintenant en fait. Tu avais un stade où il faut te vouvoyer, Gims. Personne. Bah, tu veux en prendre un. Non, je voulais juste balancer une question qui est arrivée aussi, que j'ai vu arriver là, avec le hashtag Maître Gims sur Skyrock. Ah, bah t'as décroché, vas-y. Je la poserai après. Allô? Ça va? Ah, ça a coupé. Ouais. Ah, ça a coupé. Non, il y avait une question. Des gens qui disent tu vas sortir un bouquin, est-ce que c'est vrai ou c'est une rumeur? Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. C'est vrai, je vais sortir un bouquin. J'ai d'ailleurs la pochette normalement. Ici même, que j'ai essayé de. J'ai vu qu'elle a été balancée ouais, sur les réseaux sociaux déjà. Sur les réseaux sociaux, exactement. Il va s'appeler comment le bouquin, Gims? Vise le soleil. Vise le soleil. C'est toi qui as écrit ou tu as ouais, bossé quelqu'un moi. Dessus? J'ai écrit avec quelqu'un. Mmh. Mais j'ai écrit sans. J'avais pas le stylo dans la main, quoi. Mais bon, j'ai tout dicté, etc. C'était quoi en fait? C'est quoi l'ambition voilà, d'écrire un bouquin? C'est parce qu'on te pose toujours les mêmes questions parce qu'il y a Ça, c'est la pochette. Ah bah voilà, pour ceux qui veulent voir sur le skyrock.fm, allez-y. Voilà. Vise le soleil qui sort chez Fayard. Chez Fayard, le 14 octobre. Ouais, l'ambition de ce bouquin, c'est quoi pour toi? Ça faisait pas mal de temps que je voulais un peu. On m'a un peu poussé, on va dire. J'étais pas pressé de le faire ou quoi que ce soit. Je voulais le faire un peu plus tard peut-être, mais j'ai eu envie de raconter un peu des choses que j'arrive pas forcément à dire en interview ou dans des sons. C'est vraiment pour ceux qui me suivent depuis le début, ceux qui s'intéressent un peu à mon parcours et j'ai trouvé ça intéressant de faire ce livre. On va apprendre beaucoup de choses. Ouais, on va apprendre pas mal de choses. C'est vrai. Que ce soit sur moi, sur certains membres du groupe, on y va avec plus de profondeur, vraiment. D'accord, donc c'est au mois d'octobre. Au mois d'octobre, voilà. Vise le soleil. Vise le soleil, le bouquin, donc pour répondre, ce n'est pas une rumeur, c'est un bouquin qui arrivera au mois d'octobre. Voilà. Et puis en attendant, d'ici là, il y a aussi ce double album qui est dans les bacs où on en apprend aussi, hein, parce qu'il y a, y a une part de toi aussi, même s'il y a certaines choses qui sont romancées, il y a forcément une part à de fond toi même. Sur cet album. Qu'est-ce que tu veux écouter de l'album maintenant, Gims? J'aimerais bien qu'on écoute Habibi. Mmh. Ouais, c'est un son qui plaît beaucoup, les gens aiment beaucoup. Je vois ça sur mon Snapchat. D'ailleurs, Snapchat Warano75 pour ceux qui veulent suivre mes aventures en direct. Ça, c'est ton vrai Snapchat. Mon vrai Snapchat. Warano 75. Tout simplement. Pour retrouver Gims, c'est ça, c'est un des morceaux qu'on t'a le plus demandé. Ouais, on demande beaucoup sur Snapchat. Celui-là avec Sapé comme jamais, tout ça. Et Habibi, c'est vraiment un morceau qui est apprécié. Eh ben, on l'écoute, vous réagissez aussi avec le hashtag Maître Gims sur Skyrock. Hey, Warano. Je sais faire avec la petite cuillère, mais quand je marche ailleurs, soudain tu décélères. Tu décélères avant que tu accélères. Et dans ton bled, tout le monde m'appelle déjà Habibi. Habibi. Habibi. Habibi. Habibi. Habibi. Habibi. Sur le torse, t'as reconnu le logo Warano. One tête comme un putain d'autobo. Elle est loin, l'époque de la Delidelo. Mon stylo est choqué, j'écris au stabilo. Ma chérie, dansant sur ce petit champ de mine comme Richard, tu sais que je vise dans le mille. T'as pris tellement de râteaux que t'es devenu jardinier. C'est le dîner, conviens que t'invite à dîner. Rendez-vous ce soir, pas loin de rue de la pompe. Puis j'arrive à Yep, demi de la paire de Pamplation, la casse à coste. Les femmes enceintes à terme, bâtiment des 6e étage. Monte qu'on enfile des perles. Je sais faire avec la petite cuillère, mais quand je marche à Yep, soudain tu décélères. Tu décélères avant que tu accélères. Et dans ton bled, tout le monde m'appelle déjà Habibi. Habibi. Habibi. Habibi. Habibi. Habibi. Habibi. Mon rêve d'enfance, un château de sable. J'donne tout dans les grandes et les petites salles. Hey, merde, j'suis dans les temps, pourtant je perds mon taille. Adam Youssef, posé côté passager. J'vois du monde arriver, la plupart en pas chassé. J'vais toucher tout le monde, même les mecs de chasse et pêche. Quand tu parles d'oseille, c'est normal que j'en se pêche. Ma chérie, donne-moi ta main sans réfléchir. Ta beauté est telle qu'elle détruit des familles. Ma chérie, donne-moi ta main sans réfléchir. Ta beauté nous empêche tous de réfléchir. Je sais faire avec la petite cuillère. Mais quand je marche à Yep, soudain tu décélères. Tu décélères avant que tu accélères. Et dans ton bled, tout le monde m'appelle déjà Habibi. Habibi. Habibi. Habibi. Habibi. Habibi. Habibi. À l'instant, donc un extrait du double album de Maître Gims, Mon cœur avait raison, sur Skyrock entre 20 et 21. Qui a fait le son de celui-ci ? Habibi, je l'ai fait avec Yalatif. Yalatif qu'on va peut-être retrouver d'ailleurs dans la semaine. Si je te parle du son, c'est parce qu'il y a évidemment quelqu'un qui a contribué à cet album aussi, qui est là. Qui est là, présent ce soir. Qui est on présent. On parlait de tout de suite, mais là, pour l'instant, on est avec Dany Sinté. Ça va bien, Dany ? Ça va et toi ? En forme, Dany Sinté, qu'on ne présente plus, qui est sur. Ah oui, je pense que c'est un habitué. Sur combien de tubes, sur combien de morceaux, sur combien de cartons ? Je sais pas, on n'arrive même plus à les compter. Des disques d'or. Ah, Dany, on n'arrive plus à les compter. On essaye. Bon, un petit mot quand même sur le boulot avec Maître Gims. C'est quoi ? C'est un artiste qui est exigeant, c'est un perfectionniste, et c'est voilà. Ça que je kiffe. En fait, c'est le premier artiste qui te donne les mélodies de l'instru. Parce qu'il y a la mélodie des voix, mais la mélodie de l'instru. Par exemple, il va te chanter ta flûte, il va dire, je veux avec la flûte, tu me joues ça ou ça. Et c'est le seul qui fait ça, quoi. Et vraiment, c'est un génie, c'est un plaisir de bosser avec lui. On bosse beaucoup par WhatsApp, ouais. Notre terrain. Notre terrain, WhatsApp. Ce donc fameux WhatsApp, cette chose. C'est quoi, toi, t'enregistres des trucs et t'envoies... Ouais, j'enregistre ma petite mélo, tu vois, et... C'est comme ça. Par exemple, on a bossé Sophie Tello comme ça. Ça paie comme jamais. Non, on était sur place. Mm-hmm. Mais il y a plein de sons qu'on a bossé à distance comme ça, tu vois. Donc ça, c'est voilà. Et puis avoir des gens comme Denis Sainté, c'est ouais, quoi c'est exceptionnel. C'est avoir quoi c'est un 4x4, c'est-à-dire. C'est un 4x4 qui te rejoue le truc en une seconde. Il va, moi, je vais galérer. Tu sais, moi, sur le piano, je vais chercher les notes. Lui, là, il connaît. Le solfège, j'y connais, tu vois. Donc c'est. Toi, c'est pas un truc que t'as fait solfège. Non, j'ai pas fait. Parce que t'as été bercé dans la musique, toi, évidemment. Bien sûr, mais des instruments, j'ai jamais fait. En parlant de ça, il y a des gens qui demandent d'ailleurs si sur la tournée il y aura des musiciens avec toi. Il y a des musiciens, dont Danny Sainté justement, qui va me suivre tout au long de la tournée, qui fait partie intégrante de la tournée, qui est là, qui est un personnage clé, phare de la tournée. Donc ouais, le Warano Tour, c'est avec Danny Sainté. Donc et là, vous avez des musiciens avec DJ Last One. Vous avez commencé à bosser sur le Warano Tour. Exactement. On est en train de faire la setlist. On a recruté les autres musiciens. Ouais. Ça va être lourd. Pareil, il y a une exigence particulière sur la tournée ou pas de la part de Gims, Danny? Ben, il veut le show de l'année. Le show de l'année. Donc c'est et ça. J'ai confiance en Danny, donc il me présente pas mal de gens vu qu'il connaît vraiment du monde. Dans ce milieu-là. Donc on peut le dire, il y aura des feux d'artifice, il y aura des voitures qui vont rentrer sur scène, il y aura des animaux peut-être aussi. J'aimerais bien. Qui seront lâchés. Peut-être pas sur le Zénith, sur tous les Zéniths, mais pour le Bercy au moins. Ouais. Avoir un lion serait pas mal. En cage. En cage. Attends, c'est possible. En cage ou tu tiendras la laisse? Ah non, en cage. En cage, évidemment. En cage, évidemment. Bon, donc Danny Sainté, voilà, quelqu'un à qui tu bosses depuis combien de temps, Danny? On a bossé depuis, ça fait 2013. Déjà trois ans. Trois ans qu'on bosse ensemble. On a bossé dans Subliminal, déjà. La réédition de Subliminal. Ouais. Et puis là, donc désormais, sur le projet Mon cœur avait raison. Exact. Ouais. Pourvu que ça dure, Danny, non? T'as pas envie d'arrêter là? Je pense que ça risque de durer. Hein, mmh. Ouais, ça va durer, il a du talent, il est jeune. Il est très jeune, il a du talent, donc ça ne peut que durer. Et bah, allez voir en tournée à partir du 12 novembre, justement, avec Danny Sainté. Dans un instant, vous serez en freestyle par téléphone. Il y aura la roulette qui va tourner, roulette spéciale Gims. Hein. Spéciale Gims, Warano Tour. Tu es partout. Il y a la sortie de l'album, il y a la tournée, les places de concert de Gims. Inscrivez-vous dès maintenant avec prénom, numéro de téléphone 41 759. On fera tourner d'ici une petite demi-heure. Et on va balancer un son, Gims, si tu veux bien. Ou alors Danny Sainté, si tu veux choisir. Tiens, on va laisser choisir Danny, si tu veux bien. Ouais, Danny, choisis un son. Choisis un son. Lourde de tâche pour toi. Je vais choisir un son qui n'est pas de moi. Ah, bien. J'aime beaucoup La main du roi. La main du roi. Ouais. Ah, en même temps, c'est un morceau qui est assez unanime aussi. Hein. C'est un des morceaux, je vois, qui revient le plus. C'est un de mes morceaux préférés. Moi, ouais, j'ai demandé pourquoi. C'est quoi les sonorités? C'est. Ben, tout, hein, la prod, le texte, le flow, tout y est, quoi. Tout y est. Et bon, on l'écoute maintenant sur Skyrock, Maître Gims. Tu n'es pas de la mif, tu ne mérites pas d'être en caractère gras dans mon répertoire. Le seul point positif de ma nuit blanche, c'est que ça m'évite de rater la prière d'El Fajr. Pas de cadeau, tu ne l'as pas mérité. Ton visage illumine que dans tes futilités. Trouve-moi un bon plan pour revendre mon cœur, car dans ce monde il m'aide aucune utilité. T'imagines même pas tout ce qui m'anime, juste pour la rime, Tony et Mani. Quand tu perces la monnaie, te tutoie les plus rusés, la claque avec parcimonie. J'évolue dans Paris, y'a de la drogue et des timbres. Les Français manifestent avec le ventre plein. Viens dans le golf Harry. Viens voir comment la vie d'une allumeuse s'éteint. Si tu fais appel à moi, mets mon logo dans le ciel. Car à l'heure qu'il est, j'ai dû changer de num. J'ai changé de num. Je suis de ceux qui visent le soleil juste pour vexer la lune. Tu t'inquiètes pas pour l'avenir de tes filles. Ton taf, ta passion passe avant ta famille. J'ai vu tes larmes pour la première fois le jour où Dieu a brûlé l'intégralité de tes vignes. Afrique, Est, Ouest, Bamako, Gorée. Une petite pensée pour le nord de la Corée. Tiao Feng Cheng prend le large car l'Europe lui propose une vie un peu plus colorée. Mes péchés sont au nombre de quelques milliers. Dounia, je t'aime, je peux pas le nier. Lors d'un crash, les gens de la business et de la first dégustent les premiers. J'ai pas pris le mur, c'est le mur qui m'a pris. Je te présente la vie, qu'est-ce qu'elle est dure. Posée sur la roche qui a servi à maintenir 616 ans Excalibur. La vérité sort de la bouche des enfants. Commence Veski, demande à Wesolowski. À 160 dans le virage, mais Schumacher a frôlé la mort juste en allant ski. Ils sont tous coupables, mais reste à le prouver. Ils ont baisé le monde et ensuite l'ont prouvé. Les preuves contre eux sont introuvables comme les fiches de paye d'une prostituée. Y'a la tif. Y'a la tif. Y'a la tif. Le choix à l'instant de Danny Saté, bon choix que tu valides. Ouais, très bon choix, la main du King. Bon, King's Hand. En même temps, c'est vrai que c'est un des morceaux aussi les plus demandés pendant que. Oh là. Ouais, ouais. Il y a des gens qui arrivent dans le studio. Ouais. Ça se remplit. Il y a des clowns qui arrivent dans le studio. Sur Skyrock, entre 20 et 21, c'est en train de se remplir. Et donc, le choix. Et un petit mot sur ce morceau, justement, La main du roi, Gims. Écoute, La main du roi, je pense que c'est le morceau le plus. C'est un des plus courts, mais un des plus poignants. Quant à la force des mots à l'intérieur, des lyrics, des punchlines et du sens, je pense. Et dans la construction de l'album, celui-ci, il arrive à quel moment ? Celui-là, il arrive vraiment en cours de route, il est dans les derniers. Dernier aussi ? Il est dans les derniers, ouais. C'est fou, en fait. Faudrait commencer par la fin, quoi. Ça serait magnifique. Un album, faudrait commencer par la fin, parce que j'ai l'impression qu'à chaque fois... Mais c'est quand tu commences à te dire que t'as plus de force, en fait. Mm. Tu dis, ça y est, j'arrive au bout, et c'est là que tu puises sur tes réserves, en fait. C'est très dur de... D'ailleurs, nectar, elle sort de là. C'est très dur de reprendre, justement, de se dire, voilà, je vais en studio, je reprends pour un album. C'est le moment le plus compliqué. Dur. C'est très, très dur de repartir. Quand c'est ton premier album, c'est pas pareil. Ah bah, premier album, oui, t'es généralement... T'as de la pression aussi, mais voilà, c'est ton premier album. Mais quand c'est un deuxième album, je pense que c'est la période, là, c'est le moment le plus difficile pour un artiste. C'est son deuxième album. Surtout quand le premier a marché, d'arriver avec un deuxième album derrière qui est censé faire mieux que le premier, parce que... C'est la question que tout le monde se pose. Mmh. Est-ce qu'il va faire mieux que le premier album ? Et les gens t'attendent au tournant. Et... Bah, en sachant que c'est compliqué, je sais pas justement où te mènera celui-ci. Bon, il est bien parti, on l'a dit, c'est déjà un gros carton. Plus de 85 000 albums vendus en l'espace d'une semaine. Peu le font. On est juste derrière Francis Cabrel, on m'a dit. On est bien. Très bien, en plus t'as besoin de te taper une guitare et d'aller dans une cabane au fond du jardin. Ouais, ça faisait des années qu'il n'était pas revenu. Ouais. Mais moi je tombe toujours avec des monstres, hein. Je tombe toujours avec des spécimens. Bon, ça y est, t'es devenu aussi un monstre, hein, Gims, j'ai envie de dire. Ça y est. Bah écoute, je sais pas, ouais, peut-être. Dani, c'est un monstre marin. Ouais, je suis un monstre. Elle était facile. Ouais, elle est assez simple, ça. Elle était facile, ouais. Bon, dans un instant, on va revenir. La roulette qui va tourner 41-759 pour s'inscrire. Bougez pas. On prendra quelques appels aussi, Gims, juste après la pub. Bougez pas. Yes. C'est l'émission rap de référence. Rap. 20h-21h. Ladies and gentlemen, ce soir, Planète Rap. Maître Gims. C'est Maître Gims, notre invité toute la semaine entre 20h et 21h, fraîchement débarqué du Togo. Yes. Je dis fraîchement parce que ça a dû te faire une différence aussi en arrivant ici hier. Non, ce matin, t'es arrivé ce matin. Ce matin, ouais. Ah, je sais même plus avec les dates. Ah ouais. Toi aussi, tu dois te perdre parfois avec. Mais grave. Là, tout à l'heure, j'étais à Lomé. Là, je suis à Paris. C'est ouf, hein. Il fait un peu plus frais, ouais. Ah, il fait un peu plus frais. Danny Sainté est avec nous aussi ce soir dans le studio. On peut saluer Linceau qui est là, qui est dans le coin. Ouais. J'ai vu le docteur Berriz aussi. X-Gangs dans les studios, mais est-ce le vrai X-Gangs ? Est-ce le vrai ou un clone ? C'est ça, toujours c'est... la question quand je le vois, je me dis est-ce que c'est le vrai ? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre ? Bon, X-Gangs qui est ton frangin, et d'ailleurs il y a toujours le projet qui est en cours, on en a parlé un petit peu la semaine, il y a une dizaine de jours. Ouais, X-Gangs qu'on retrouve dans Mon cœur avait raison, ouais. Pilule rouge. Floyd Mayweather avec la Juna Family. Le premier, on va dire, c'est vraiment le premier signal de ce projet qui sera intitulé la Juna Family, justement. Donc ce sera plutôt pour 2016. Ce sera plutôt pour 2016 et voilà. Et là, ça, c'est au laboratoire, en studio. Voilà, donc c'est tous les frangins, parce qu'on le rappelle, ouais. Vous êtes une famille. C'est tous les frangins, on va retrouver X-Gangs, Jelas, Daju de Shinsekai, Bejik et moi-même. Famille de musiciens, donc ouais. Voilà, tous réunis en studio. Ouais. Là aussi, ça va être une sacrée pression, hein. Non, parce que ça va être bien, ça. Il va falloir que ça pète aussi le projet, hein, celui-ci. Ah, faut que ça pète. Hein, parce que là... Bon, ce sera pour 2016. Ça faisait un petit peu de temps. Déjà, là, il y a Mon cœur avait raison. On part sur un titre tout de suite. Ouais, on voulait partir sur Sophie Tello, donc titre réalisé avec Danny Sainté, ici présent. Voilà, c'est parti encore d'une idée sur WhatsApp, tu vois. Donc c'est quoi alors, toi, t'as une mélodie, t'as un truc, tu lui balances. J'avais la mélodie en tête et. Je voyais ça dans ma tête d'une certaine façon et Dany a réussi à faire ressortir ça. Tu te souviens ce que t'avais dans la tête ? Tu peux nous refaire là, rapidement ce que ça donnait à l'époque ? En fait, j'avais ça dans mon téléphone, tu vois, c'était un truc que je fredonnais, que j'avais mis de côté. Tu sais, ça faisait. Tu vois, c'était juste cette note là, tu vois. Et de là, moi, je voyais toute une ambiance derrière. Mais après, c'est un autre métier. Tu veux, moi, donc, ça, tu lui envoies ça. Moi, je lui envoie ça et lui, il voit tout de suite ce que je veux dire. Donc, Dany Saint-Étienne. Je lui donne les références, les délires, et lui, il voit tout de suite. Tu étais à ce moment-là tranquille, t'étais tranquille. Ouais, j'étais chez moi. Il m'envoie ça, il est tard. Mais je te jure, j'envoie ça dès 3h du matin. À 23h, ouais. J'ai dit, fonce au studio. Je suis au studio, je l'ai fait, je crois, à 2h, c'est vrai. Je te jure, il a foncé au studio, il a. Non, mais c'est fort, c'est dingue d'avoir des gens comme Dany, c'est très rare. C'est très rare parce que. Les gens ne sont pas passionnés, tout le monde n'est pas passionné, lui c'est un passionné, tu vois. Mais moi ce que j'adore c'est vraiment la création de ces morceaux où ça part parfois, où ça part d'une idée, d'un son, parfois mais tu peux entendre un son. Tout et est dire... dans mon téléphone. Là tu vois sur ce téléphone là. Oh merde, t'as pas intérêt de le perdre celui-ci. Non, faut pas que je le perde. J'ai ce qu'on appelle c'est des yaourts, c'est des mémos, tu vois. C'est un truc de fou en fait ce qu'il y a dedans. Ça contient des albums, des. des futurs vois, albums. Tu vois. Tu peux en faire écouter un, non, juste un. Attends, allez, attends. Juste par exemple, là, tu vois, il y a Melinda Gate. C'est daté. Tout est daté. C'est-à-dire, si un jour on me croit pas, tu sais, il y a des gens qui peuvent dire, ouais, mais Guy, là, c'est pas lui qui a fait ci ou ça. Tout est noté, tu daté. Tu peux même nous en faire écouter un, je sais pas d'où ça part. Par exemple, Melinda Gates, par exemple. Melinda Gates. Ça part de quoi? Après, ça part... c'est bizarre, hein, des fois. Des fois, il y en a, là, il s'appelle Fatigué, tu vois. Je sais pas ce qui fait Fatigué. Tiens, vas-y, fais voir un peu. Ça, c'est l'instru. Le truc, je veux dire. Baby, what you do, you tell me what you know, you had it. C'est comme ça que je travaille, tu vois. Là, on rentre dans mon intimité. Après, je mets une mélodie, un petit truc. La basse. Et ben voilà, un morceau par Maître Gims à l'instant. Ça paraît trop simple en fait le truc. Ça paraît super. Ça part simple. De là en fait. Ça part de là. Et c'est vraiment comme ça que je travaille tous mes sons, tu vois. Je me mets dans un coin, je fredonne un truc. Le truc c'est que moi je touche pas aux machines, tout ça, je connais ouais, pas. Ça, tu connais pas. Je préfère bosser avec les meilleurs. C'est pas la partie technique que tu connais. Ouais. Voilà. Mais d'où le boulot. D'où le boulot Saint-Té. Après, monstre de Dany Saint-Étienne, d'essayer de reproduire ce que moi j'ai eu en tête et tout. Et c'est et un gros boulot. Écoute, là on a eu un bel aperçu. Bah, le résultat de votre boulot en commun, ça donne ça, c'est Sophie Tello maintenant sur Skyrock. Dany Saint-Étienne. Laisse-moi vérifier. Est-ce que ton Instagram dit la vérité? Je ne pense pas. Y'a pas que de l'eau dans ton sirop. Non, non, non. Tiens-toi bien, t'es pas solo, solo. C'est toi qui sais comment procéder. Comment procéder? Tu leur apprends comment opérer. Il te reste à perdre quelques kilos, kilos. Docteur Oana. Lipo, lipo. Tes garçons, tu dois te méfier. Tu dois te méfier. Rihanna, visage, tu méfier. Paris, la nuit, c'est pas la colo, colo. Jamais, jamais, jamais. C'est plus un film Tarantino, Tino. Le mini bar laisse à désirer. Le room service va se rattraper. Tu mélanges bail d'alcool, colo. Chambre 209, Sophie Tello Tello. Sophie Tello Tello. Chambre 209, Sophie Tello Tello. Sophie Tello Tello. Chambre 209, Sophie Tello Tello. Le premier verre ne te fait pas d'effet. Absolument pas. Dans ta tête, tout est planifié. Depuis bien longtemps. Vernis rouge, Valentino, Tino. Tu connais les balles? Robolide, pas de Clio, Clio. Non, non, non. T'enchaînes au coste, petit déjeuner. Ouais, ouais. Y'a plus que ce plat, service voiturier. Tu tiens ta ligne, Coca 0-0. Dali Sainte. Mon cœur avait raison. Il avait bel et bien raison. Il avait raison. Yes. Mon cœur avait raison. Sophie Tello, à l'instant, voilà, on a pu parler justement comment est né ce morceau. Ouais. Et le résultat, quand vous l'écoutez, alors ça fait quoi? Bah, ça fait plaisir. C'est ce qui était dans ma tête, vraiment. C'est vrai. Tu vois, c'est ça la vraie joie. Mmh. C'est quand le morceau il sort comme tu l'as dans ton esprit, dans ta tête, vraiment. C'est pas toujours le cas. Dany Sainte, pareil, toi, quand tu l'écoutes en tant que producteur dessus. Bah ouais, c'est du travail, quoi. Du coup, on est très content, quoi. On est très content. Comme il a dit, c'est pas tout le temps qu'on arrive forcément à retranscrire les idées d'un autre. Et quand on y arrive, bon, on est content, on est satisfait. Bon, il y a des moments aussi, voilà, c'est vrai que ça, c'est la bonne partie. Le morceau, il est sur l'album. Il y a certainement parfois aussi des ébauches. Et puis, on met de côté parce que ça ne correspond pas exactement à ce qu'on voulait. Exactement, bah oui. Il y en a énormément. Énormément. Il y en a plein. Si on ouvre l'ordinateur, je crois, il y en a beaucoup. Énormément. Bon, il y a des gens qui veulent récupérer ton portable, Gims, hein, depuis que tu as montré ce qu'il y avait à l'intérieur. Il y en a plein qui veulent récupérer les mélodies, tout ça. Donc, les mélos sont dedans. Ouais. Ça, alors là, tout est dedans. Ah, tout est dedans. Tout est dans le portable de Gims. Les messages, vous les balancez avec le hashtag Maître Gims sur Skyrock. Par téléphone, on est avec La Brique de Montpellier. Salut La Brique. Salut. Ça va bien La Brique? Ça va et vous? Eh ben écoute, un blaze intéressant. Quand c'est des trucs, ça fait mal ça. Coup de brique dans la tête. Casser des briques. Enfin, il y a plein d'expressions. On va voir si ça tient la route maintenant La Brique. C'est l'heure du freestyle. Ouais, tranquille, ouais. Allez, c'est parti, mon pote. Session freestyle par téléphone, Montpellier. Ouais. Ok. Maître Gims. Pour ma team DZ. Ok. Ok. Je voudrais dire quelques mots, quelques vérités à travers ces vers. Je m'expose, je m'impose sur la mélodie, tout ça pour dire que le monde n'est pas facile avant de me parler de djihad. Dis-moi, tu connais quoi sur l'islam, nada? Arrête de parler, enlève-moi cette barbe. Il suffit pas d'avoir l'apparence, non, la vie ne fait pas le moine. Certains clochards en connaissent plus que certains disent. Maman, à l'époque, il y avait de vrais hommes comme nos darons, frère. Aujourd'hui, à la moindre difficulté, c'est la panique. Ils veulent se foutre en l'air, aucune réflexion. Incapable de s'exprimer correctement, ça veut le blé. Avant de l'avoir, semer la patience, le respect sont des valeurs abandonnées. Je veux pas vous démoraliser, non. Mais passer un message à la jeunesse d'en bas. Malgré les coups bas, la vie continue, frère. J'ai envie de te dire, quand tu sens que ton beau terre sort en tristesse, pense à ta mère, que dirait-elle? Que penserait-elle de toi? Celle te voyait armée, montée au braco pour une histoire de com-com qui est tombée à l'eau de nos jours. La drogue, la maille et les femmes, y'a que ça qui nous intéresse. Parfois je me demande pourquoi, aucune réponse, alors j'avance. Je retrousse mes manches, comme Gandhi, j'entends une marche vers le paradis, marre de tous ces blêmes. Je vis sur un nuage, loin de l'hypocrisie humaine. Mais la réalité me rattrape comme Usain Bolt, je cours à balle, histoire d'étancer cette life de bâtard. Je veux délouver, moi je viens pas là pour la mama. La mettre à l'aise, une pensée pour toutes nos mères qui doivent endurer nos comportements. Aujourd'hui je veux le dire au sport, ouais. Je t'aime maman, je t'aime maman. Ok La Brique à l'instant. Bah écoute, on a eu un bon aperçu, merci à toi mon pote. Je te remercie. Est-ce que t'as une petite dédicace, un petit message à passer? On t'écoute, vas-y. Ben déjà moi je passe une grosse dédicace à Maître Gims parce qu'il nous régale tout le temps. Il est là, il t'écoute. Ouais. Voilà, une grosse dédicace à mes DZ de Montpellier et à mon frère. Et Rachid, Kamel, Kenza. Et voilà. Eh ben merci à toi La Brique. On peut te retrouver sur le net, on peut te suivre quelque part, vas-y balance. Ouais, je viens juste de créer une page qui s'appelle La Brique, c'est ça, c'est mon blaze. L-A-B-R-I-K. Yes. Et je balancerai quelques freestyles dessus, voilà, comme ça. Eh ben, L-A-B-R-I-K, on ira dessus. Merci à toi La Brique. Je te remercie. Ciao, merci, ciao, passe une bonne soirée, le Planète Rap avec Maître Gims. Tiens, décroche un petit peu Gims, là. Il y a plein de gens qui essaient de joindre au 06 71 74 84 15. Ça a arrêté de sonner pendant quelques secondes. Ah, ça va. Mais je pense qu'il y a tellement d'appels, surtout. Il y a même des messages. Ah, mais non, mais les messages, c'est un truc de fou. Ça ok, y est, c'est je parti. Réponds. Allez, c'est parti. Allô? Allô? Oui. Ah. Ça va, mon gars? Comment tu t'appelles? André. Comment? Andrea, on t'écoute, qu'est-ce qu'il y a? Alors, je crois que Andrea est totalement paralysé. Mais genre. Bah ouais, mais genre. Je suis un grand fan. Ah bah ça, voilà, bah, c'est écoute, pour ça je me disais. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Et tu sais que tu parles à Gims en direct là, Andrea? Ah oui. Ah, t'inquiète pas, là je vais faire. Ça va ou quoi? Est-ce que tu as récupéré l'album, Andrea? Non, je vais samedi. Ah, samedi, quoi. Samedi. Au moins, c'est planifié. Ouais, Andrea, il y va samedi. Qui sait qui va récupérer samedi l'album. Bon, il y a déjà des morceaux. Merci, merci. Il y a déjà des morceaux que t'aimes bien, Andrea. Pas. Voilà, tous. Mais je suis allé voir deux fois Black Eyed Peas et je t'ai jamais vu. Bah, il habite où, Andrea? Je fais une tournée là bientôt. Peut-être qu'on va passer vers chez toi. Faut lui demander, il habite où? T'es vers où? La Roche-sur-Yon. La Roche-sur-Yon, c'est en Vendée, Gims. C'est en Vendée? Ouais. Qu'est-ce qu'on a? Bah, il y a Nantes, peut-être. Nantes. Peut-être Nantes. C'est le début de la tournée. Le 12... Tu peux pas le Vendée ce soir? Le 12 novembre. Ouais. Le 12 novembre, je suis à Nantes. Donc, avec plaisir, si t'es dans le coin. T'inquiète, toujours là pour toi. Ah, ça fait plaisir. Bon, bah, merci en tout cas, Andrea. Merci beaucoup. Qui nous a appelé au 06 71 74 84 15. Andrea qui était un peu. Ouais, il était sous l'émotion. Sous l'émotion. C'est un truc qui est bizarre d'ailleurs pour toi ou pas maintenant, Gims, ça. D'ailleurs, ce côté notoriété et tout, quand les gens viennent te parler. Bah, c'est toujours. Ça fait toujours autant d'effet. C'est vrai. Bien sûr, tu sais, les gens, ils savent pas. Ils savent pas quoi dire, tu sais, moi j'ai mes lunettes et tout, les gens ils savent pas trop, tu vois, ils voient pas ce mes qu'il y a yeux. Derrière les... Ils savent pas ce qu'il y a derrière les lunettes, donc ils sont un peu gênés, tu vois, et j'essaie de les détendre au max. Toi, il y a une époque où t'aurais voulu poser avec des gens dans le hip-hop ou quelqu'un dont tu étais fan totalement, voilà, il y a... Bah, sans parler de Jackson ou même en France, des rappeurs qui ont bercé un peu notre jeunesse, on a toujours voulu les rencontrer. Moi, je me souviens, il y a très longtemps... J'ai vu le 113, j'habitais dans le 10e, rue des Petites Écuries, dans le ghetto. Et j'ai vu 113. Et alors ? Je suis devenu ouf. C'est vrai ? Ouais, j'ai vu Mokobé, choqué. Mais j'avais pas de smartphone, rien. À cette époque-là, il n'y avait pas de photos. C'est l'époque de Clo-Clo, gros. C'était une petite dédicace, un petit coucou. Ah, c'est fini. Et pareil, t'étais comme ça, genre, putain, qu'est-ce que je vais leur dire ? J'ai vu Mokobé, je sais plus ce que je lui ai dit, mais j'étais content, tu vois. Tu les vois, après tu dis à tout le monde, j'ai vu 113, j'avais vu Rimka AP, tu vois. J'ai croisé MC Solar. C'est un truc de fou. Donc pareil, moi je fou, comprends. Ouais. Bah oui, c'est fou parce que tu les vois à la télé tout le temps. Quand tu les vois en vrai, tu te dis c'est énorme. Donc c'est ce que tu peux comprendre aussi avec, les gens qui peuvent te croiser. Et d'ailleurs, si vous voulez croiser Gims en tournée, c'est à partir du 12 novembre. Des places à choper là dans un instant, inscription 41759. Et un morceau qu'on balance maintenant? Ouais. On part sur quoi alors? On part sur. On finira avec Sapé comme jamais, je dis ça parce que les gens demandent le morceau avec Niska. On part sur le avec Sia. Donc la version avec Sia. La version avec Sia, ouais. Très bien, je te pardonne, puisqu'il y a deux versions sur l'album. Il y a une version où tu es seul. On l'a passé. La version avec Sia. Et là, c'est la version avec Sia maintenant. C'est extrait de Mon cœur avait raison. Tu m'as demandé pardon, je t'ai repoussé. Se retrouver. Le morceau qui s'appelle Je te pardonne, ça c'est. Ouais. Ça, alors attends, ça quand tu regarderas dans 20, 30, 40, 50 ans ta carrière, tu diras putain, j'ai quand même posé avec Sia, quoi. Je te jure, c'est ouf. C'est fou. Ah, c'est fou. Pour les gens qui n'étaient pas là lors de la première semaine dans le Planet Rap, Sia, vous le savez, hein, c'est celle qui a écrit tellement de morceaux, qui a chanté aux côtés des plus grands avec Rihanna, avec tellement d'autres. L'idée, c'est qu'à un moment, tu voulais la voir sur l'album. Exactement, je voulais la voir. Et qu'elle a répondu très vite, en fait. C'est ça aussi la grosse surprise. Le gros choc, c'est qu'elle a répondu super vite et qu'on était dépassés. Du coup, on s'est dit, purée, elle a accepté. Et qu'elle a rien touché. Parce que c'est pareil, c'est quelqu'un quand même aussi. C'est la mélodie que. Bah voilà, c'est la mélodie qu'il y avait dans mon téléphone encore, qui est là encore toujours, dans le téléphone. Et le son est parti de cette mélodie-là. Tu avais un yaourt dessus, un yaourt, c'est un truc qui est posé en espèce d'anglais. En charabia, en anglais français, c'est pas une langue, c'est la langue des artistes, si tu veux. C'est ça, ouais, c'est ça. Le langage des artistes, un peu. Donc c'est parti de là. Et moi, j'ai imaginé Sia dessus, mais sans imaginer qu'elle allait répondre ou quoi. Donc on a quand même. On voyait le son, on lui a quand même envoyé le son. Et boum, elle a répondu le soir même. Le soir même, elle est en studio. Tu reçois un message, c'est fait. Ah ouais, c'était incroyable. C'est fou. Elle a posé, elle a fait sur la même mélodie, machin, c'est incroyable. Vraiment, ce feat-là, c'est une grosse histoire, c'est une belle histoire. Et sur le double album, il y a deux versions, donc je disais. Il y a deux versions. Il y a la tienne. Il y a la mienne solo et celle avec Sia. Et celle avec les ambiances de Sia à l'instant. Ouais. Dans le Planet Rap consacré à Maître Gims entre 20h et 21h, dans un instant, on vous filera des places pour aller voir Maître Gims en tournée dans toute la France. La tournée qui se prépare actuellement. Ça bosse dur, ça n'arrête pas de bosser. Ça n'arrête pas de bosser avec Danny Sainté. Avec Danny Sainté, pareil, qui sera toujours rédacteur en chef. Directeur musical. Directeur musical. De cette tournée entre 20h et 21h. Et avant de se quitter, on va peut-être balancer un petit sapé comme jamais. Quand même. Ah, on va finir en beauté. Sapé comme jamais d'ailleurs, avec Danny Sainté, toujours un fameux yaourt qui était dans ce téléphone, dans cette chose. Tu entends ces choses. Donc ça, c'était voilà l'idée de il nous manquait un son comme ça, festif comme ça, machin. De fête quoi. De fête. Et on est parti vraiment en pleine séance. Hein. On était déjà sur un autre son. On était en train de terminer un autre son. Je sais pas si c'est sans rétro ou. Ouais, on a terminé. Ça, ouais. Avant même qu'il soit terminé, boum. Je suis parti sur ça. J'ai dégainé mon téléphone. Go gadget. Niska, est-ce que tu peux passer? C'est parti. Et le résultat, ça donne ça. Exactement. Niska qui a joué le jeu très rapidement. Et le résultat. Ça paie comme jamais. On y va, ça paie jamais, comme jamais de la vie. On casse ta porte, c'est la Gestapo. Je vais te retrouver, me guico Lambo. Ça veut vendre des tonnes à la Gustavo. Un café sans sucre, j'en ai plein sur le dos. Et ouais, ma puce, là, tu me Rambo. Ça va faire 6 ans qu'on met des combos. Je manie les mélos, oui, what I know. Tu te demandes si c'est pas un complot. Oh les mains, oh les mains. Sauf les mecs, ça paie en bas les mains. Bas les mains, bas les mains. Ça roule façon Aladdin. Oh les mains, oh les mains. Sauf les mecs, ça paie en bas les mains. Bas les mains, bas les mains. Ça roule le façon Aladdin. Passe avant minuit. Je vais te faire vivre un dream. T'avances sur la piste, les yeux sont rivés sur toi. Les habits qui brillent, tels les mille et une nuits. Paris est vraiment ma. Ça fait comme jamais. Ça fait comme jamais. Ça fait comme jamais. Ça fait comme jamais. Apprécie mon parcours. Hende Katako, sale petit coquin des cocus. Quand elle m'a vu, elle t'a plaqué. Fais les gamos pour deux crocos sur la chaussée. J'suis congolais, tu vois, j'veux dire. Normatisé, Maître Gims m'a convoitisé. Charlie Delta localisé. L'embilaso focalisé. Sapé comme Chacha, Chama. Dorénavant, j'fais des jaloux. J'avoue, je vis que pour la victoire, imbécile. La concurrence à ma vessie. Le Bousano et Hermès. Fais vite ton sac, j'veux la recette. Passe avant minuit, je vais te faire vivre un dream. Avant sur la piste, les yeux sont rivés sur toi. Les habits qui brillent, tels les mille et une nuits. Paris est vraiment ma. Ça fait comme jamais, ça fait comme jamais, ça fait comme jamais. Sana Braza, Libreville Abidjan, Yaoundé na Douala, Bamako na Dakar, Dani Saint-Théo, Magic Nadar Sié Miluna Dem Demo Juna Janana Non mais il y a un problème sur ce morceau, il y a un vrai problème. Il y a un sortilège. Tout le monde se lève dès qu'on met ce morceau. Ouais, il y a un sortilège sur ce morceau. Ah, il y a un truc qui est particulier sur ce morceau. Non, le truc qui est chiant, c'est qu'il sort là. T'as envie d'être en été en fait. Grave. Exactement. T'as encore envie d'être en vacances. Ou en boîte, n'importe où. N'importe où. Passe, hein. Je crois que ouais, en même temps, il va nous ambiancer une bonne partie de l'hiver aussi celui-ci. Ouais, hein. Ça tombe bien, les fins d'année bientôt. Ah ouais, ça va être le 31, tout ça. Ah bah ça va être un des sons du 31, fort possible aussi hein, celui-ci. J'ai oublié de préciser quelque chose. Je vais être en dédicace là demain à la Fnac de Bercy. La Fnac de Bercy demain à partir de 16h. Donc demain on peut se dédicace. Ouais, on va me retrouver. Je serai sur Paris à la Fnac de Bercy à partir de 16h pour une big séance dédicace comme j'ai fait à Nantes et tout. Ah oui, tu as été déjà? Ouais, Nantes. Ouais, énorme. Bien passé. La Wati Boutique, j'ai vu du monde moi là, du Wati Boutique. Ouais, il hein, y avait c'était... du monde aussi à Wati Boutique. Merci d'ailleurs à tous ceux qui sont venus. Voilà, on était, ils étaient tous là, c'était un truc de fou. Donc demain, je serai au Bercy, la Fnac de Bercy, à partir de 16h. Bon, et puis après, dédicace, venez avec vos CD, on va les dédicacer. Voilà, et merci à tous ceux qui étaient là. Lille, Nantes, Wati Boutique, super lourd. Merci à tous. Maître Games avec nous entre 20 et 21 dans Planète Rap toute la semaine aussi sur Skyrock, des places à gagner. Il est peut-être grand temps maintenant de commencer à faire tourner la roulette. On y va, c'est parti. Gagne les premières places de concert pour voir Maître Games près de chez toi. Des places pour aller voir Games du côté de Nîmes, c'est possible. Joy, comment ça va, Joy? Ça va bien, ça fait ah ça oui. va, en pleine forme. En pleine forme. Je te présente Maître Games, il est là. Salut Maître Games. Salut. Contente de t'avoir au téléphone et je te kiffe. Ah, ça fait plaisir. Joy, est-ce que tu as récupéré l'album Mon cœur avait raison? Et non, je ne l'ai pas récupéré encore. Mais je l'écoute à la radio ce soir et je me régale. Et tu te régales, voilà, il va être là tous les soirs de la semaine, Games. Et peut-être même, Joy, que tu vas aller le voir en concert. C'est quoi le plus simple? Ce serait quoi? Montpellier pour toi, non? C'est Montpellier, oui. Montpellier, il passe le 4 décembre du côté de Montpellier. Dès que tu veux, tu dis stop, c'est parti. Et la roulette qui va s'arrêter pour toi sur la case, c'est Joy. Oui. Tu as entendu cette voix? Oui. Tu as reconnu cette voix? Ah ouais, j'adore. Et tu verras donc Gims en live du côté de Montpellier à l'Arena de Montpellier, qui est une salle magnifique. Je sais pas si tu as déjà fait cette salle. Merci, je suis super contente. Ah, et bah voilà, c'est deux places pour toi, Joy. C'est le 4 décembre. Merci beaucoup. 4 décembre. Et des gros bisous à Maître Gims. Merci beaucoup. Rendez-vous le 4 décembre. Ok, merci beaucoup. On te fait un bisou, Joy. Passe une bonne soirée. Merci, des gros bisous. Ciao. Eh ben merci Gims pour cette deuxième soirée en direct. Merci à vous en direct, oui. Demain tu repars pas, t'as pas un aller-retour à faire quelque part? Non, je suis là. C'est bon, tu seras là demain. Sur Lutèce. Très bien. Royaume. Eh ben oui, puisque t'as dit que t'étais à 16h du côté de Bercy. Exactement. Demain. Et après, pour retrouver Maître Gims en live, c'est un petit peu avant 20h. Merci Dany Sainté. Merci à toi. D'avoir été là avec nous. Tu repasses de toute façon quand tu veux. Tu connais. C'est la maison maintenant. C'est un petit peu la maison ici. Et on se retrouve donc demain, un petit peu avant 20h. Là, il est grand temps de filer l'antenne à Difool et toute l'équipe. Merci Fredo de nous refiler l'antenne. Ça va bien. Ça va? Yes. Game, ça y est, t'es arrivé. Hein. Ça y est, je suis arrivé. Bon, bah Fred, tu te lâches plus jusqu'à la fin de la semaine. Ah ouais, là, je suis là. Voilà, le retour demain, 20h, 21h. Maître Gims sur Skyrock. Et la deuxième semaine de Maître Gims, double album, double Planète Rap. Ouais. Voilà. Voilà. On est sur quelle pilule demain soir? Bon, on était pas mal sur la rouge. Hein, ouais, on est un peu rouge là. Là, on est un peu rouge là. On est fâché. Très bien, bon. Demain, on sera peut-être bleu. Peut-être. Bon, on verra ça. Maître Gims fâché ou pas, demain, 20h, 21h. C'est dans Planète Rap, c'est sur Sky. Et c'est à pas louper. Merci à vous. Rendez-vous demain. Et là, c'est parti sur Skyrock. On a Robin Thicke qui vient dans la visite ce soir. Robin qui débarque. Robin Thicke avec ses lunettes de soleil. La dernière fois, il était venu, il avait des lunettes de soleil. Et il est bien sympa ce Robin Tick. Il est sympathique. Ouais. Il a eu 2-3 problèmes depuis la dernière fois qu'il est venu nous voir. Ouais, dans sa vie. Quelques problèmes de couple. Entre autres, quelques problèmes de couple. On y reviendra tout à l'heure. Robin Tick sera là avec nous avant minuit sur Skyrock. Et puis dans un instant, tiens, on va démarrer avec un des gros cartons. Maître Gims, tu es premier en France. C'est vrai. Ouais. C'est vrai. Et tu n'es pas encore premier aux États-Unis. Le premier aux États-Unis. Non, mais il travaille dessus aux États-Unis. Ouais, hein. C'est The Weeknd. Ah, il est numéro 1, c'est ah, oui, il est numéro 1, puis largement en plus. The Weeknd qu'on va retrouver avec Can't Feel My Face, c'est pour démarrer la soirée. Puis bah, vous tous et vous toutes qui nous écoutez, bah, vous tombez bien. On arrive, on va faire les comptes jusqu'à minuit. C'est au 01 53 40 30 20 après la grosse grosse soirée très chaude d'hier soir avec Nikita Bellucci. Ah ouais, ça. Qu'est-ce que nous réserve ce mardi soir? On va voir ça avec vous. En tout cas, vous pouvez nous appeler et vous pouvez nous laisser vos messages 41 759 sur l'appli Skyrock. Vous déchirez tout jusqu'à minuit. Vous dites ce que vous voulez. C'est Radio Libre Intégrale et c'est The Weeknd qui arrive tout de suite. Et demain, rendez-vous 20h pour Maître Gims et Fredo. Yes. Le couple de la semaine. Allez. Ciao les gars. Wow. Ciao. C'est reparti dès le matin de 6h à 9h. Tous les matins, venez faire les cons avec